Che Tae-bon, président de l'Assemblée populaire suprême et chef de la délégation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, qui effectue une visite officielle en Iran et participe à la 6e conférence internationale en faveur du peuple palestinien qui se tient dans ce pays, s'est entretenu le 21 courant avec le dirigeant de la révolution islamique de l'Iran, Seyed Ali Khamenei. Le chef de la délégation coréenne lui a transmis respectueusement les salutations cordiales du dirigeant suprême Kim Jong-un. Seyed Ali Khamenei en a exprimé sa profonde gratitude et l'a prié de lui transmettre ses salutations sincères. Par ailleurs, le même jour, le chef de la délégation coréenne a rencontré respectivement diverses personnalités, notamment les présidents des parlements palestiniens, nigériens, malaisiens et malgaches.